Chapitre 7e, la Fornarine. Depuis les visites du peintre à la boutique du Fornaro, Stella n'était plus cette jeune fille naïve, ignorante des douleurs, au milieu d'une famille d'amis, pour lesquels ses moindres caprices étaient les plus impérieux désordres, par qui ses fantaisies étaient réalisées à peine conçues. Un sentiment nouveau était entré dans son cœur, sentiment qui fait vivre et mourir à la fois, source de joie ineffable, mais après qu'on a passé par les limbes de souffrances terribles. Stella aimait Raphaël. Le grand artiste n'était pas un de ces hommes que les jeunes filles rêveuses peuvent regarder et entendre impunément. Il porte avec lui toutes les puissantes séductions qui ravissent la femme et lui font oublier qu'autour d'elle il y a des êtres qui, depuis sa naissance, ont veillé sur elle avec toutes les tendresses et toutes les affections. Jamais type plus beau ne fut créé dans les flancs d'une femme, et à cette beauté première, Raphaël joignait la grâce qui la divinise et le génie qui l'éclaire et la fait rayonner au dehors comme un soleil bienfaisant. Le peintre ne s'était donc pas trompé quand il avait dit au Saint-Père qu'il était sûr de la Fornarina. Palpitante, elle avait assisté à ce drame domestique dont la boutique de Gaffarelli avait été le théâtre. Elle avait vu venir avec une fiévreuse anxiété ces princes de l'Église, ces grands seigneurs dont l'opulence ne servait qu'à protéger les arts, ces humbles moines. Puissants par la parole, la science et la vertu, qui s'en allaient, quêtant porte à porte l'or qui leur permettrait d'élever au Dieu des chrétiens ces temples superbes qui font l'orgueil de Rome catholique. Cachée derrière un rideau qui séparait les appartements intérieurs de la boutique du Fornaro, elle avait écouté tous les discours qui avaient cherché vainement à ébranler les résolutions de son père Gaffarelli et de sa mère Mamma Lucia. Et chaque jour, quand son espérance du moment était trompée, comme l'avait été son espérance de la veille, elle rentrait dans sa chambre solitaire, le cœur gros d'une tristesse inconnue, et rêvait. Où s'égaraient les rêves de cet enfant? Vers quelle région s'envolaient-ils? Oh, pas bien loin! Ils allaient vers cette image chérie de Raphaël, et les mêmes feux qui jadis avaient brûlé dans le cœur de Mamma Lucia brûlaient, à cette heure, dans le cœur de sa fille Stella. Sa gaieté joyeuse avait disparu. Les brillantes couleurs de ses joues, de sa bouche vermeille, avaient fait place à une pâle langueur. Elle négligeait les fleurs que jadis elle mettait avec une coquetterie enfantine dans sa chevelure d'or. Elle ne paraissait plus sur le seuil de la boutique du Fornaro. Et si elle y était venue comme autrefois, ses voisines idolâtres ne l'auraient pas reconnue tant elle était changée. Gaffarelli et sa femme, Mamma Lucia, étaient trop préoccupés eux-mêmes pour s'apercevoir de l'état de leur fille. Gaffarelli, tout en surveillant sa boutique, cherchait sans cesse les moyens de se débarrasser des importunités qui l'obsédaient. Et Mamma Lucia, de son côté, donnait toutes ses pensées à l'artiste aimé de sa jeunesse et auquel, à tout prix, elle aurait voulu servir de modèle. Ce fut donc un grand jour pour toute la famille du Fornaro que celui où Raphaël triomphant entra dans la boutique avec la lettre du Saint-Père. Mamma, frappée au cœur, alla cacher son affliction dans les appartements intérieurs, et Stella, ranimée, sans écouter les paroles de son père, jeta son éblouissante chevelure le premier lambeau de soie qui lui tomba sous la main, se suspendit radieuse au bras du peintre, et partit avec lui, sans même jeter un regard d'adieu sur la maison paternelle qu'elle quittait pour toujours. Ce départ ouvrit les yeux à Gaffarelli. Alors seulement il comprit ce qui se passait dans l'âme de sa fille, et nonobstant la lettre pontificale restée entre ses mains, un grand abattement s'empara de lui. « Malheureux enfant ! » s'écria-t-il, « elle l'aimait !» L'atelier de Raphaël, celui où il peignait le triomphe de Galatée, car il en avait plusieurs, était dans la rue du Bourg-Neuf, qui, plus tard, incendié, devait lui fournir le sujet d'un de ses plus beaux chefs-d'œuvre. C'est là qu'il conduisit Stella. Quand ils arrivèrent, l'atelier était désert. Les disciples chéris du maître, Jules Romain à leur tête, exécutaient les fonds de ces tableaux auxquels Raphaël devait donner plus tard la force et la vie, et ils se multipliaient chez les princes et dans les églises afin que Raphaël, en passant, n'eût qu'un mot d'approbation ou un conseil à donner et trouvât tout sans cesse près devant lui au gré de ses désirs. Raphaël fut heureux de cette solitude. Il fit asseoir Stella sur un siège élevé, et se plaçant lui-même sur un tabouret à ses pieds, lui dit « Oh, laissez-moi vous regarder ainsi, étoile divine, qui vous levez sur l'horizon de ma vie. Laissez-moi m'enivrer de votre doux regard, respirer les parfums qu'exhale votre chevelure d'or. Stella, mon ange, Savez-vous que la vie est bien bonne à celui qui peut la savourer à vos pieds? Le bonheur est dans votre sourire. Heureux l'homme que vous aimerez. » Stella écoutait ces paroles passionnées du peintre et son oreille les retenait avec avidité. Elle ne répondait pas, mais son âme était dans le ravissement. Elle regardait ses pieds, ce grand et sublime Raphaël, et son œil bleu se dilatait sous sa paupière humide. Ses joues avaient repris leur fraîche couleur, et comme accablée sous le poids d'un bonheur trop grand, sa tête, négligemment, s'inclinait sur son épaule, donnant à son cou d'ivoire les ondulations du cygne sur les eaux. Ah, si Raphaël eût été moins amoureux lui-même, s'il eût pu lire, comme dans un livre ouvert, dans le cœur de cette jeune fille, les extases de son bonheur, eussent rendu jaloux les anges du paradis. À cette heure, il avait oublié, et Galatée, et son triomphe, et ses pinceaux, et sa gloire, et le pape, cardinaux, et les grands seigneurs romains qui attendaient ses tableaux pour les couvrir d'or, et ne croyaient jamais les avoir payés. Il avait oublié ce grand concert de louanges, qui partout dans Rome et dans l'Italie était chanté chaque jour en son honneur. Il ne voyait qu'elle, la Fornarina, cette Stella divine, si longtemps rêvée, si longtemps cherchée. Tout le bonheur était dans l'heure présente. De quelle joie! Une femme peut inonder le cœur de l'homme, nul ne le saura jamais, si, comme Raphaël, il n'a pas entendu une voix douce et tremblante d'émotion, mélodieuse comme un chant, murmurer à son oreille. « Raphaël, je vous aime. Depuis ce jour où vous me vîtes appuyé contre ma porte, votre image est là, dans mon cœur. Je l'ai vue partout. Mes rêves me la représentaient toujours et votre voix redisait sans cesse à mes oreilles vos paroles amoureuses. Je vous aime. Êtes-vous heureux ?»« Si je suis heureux, vous le demandez, Stella, quand vous êtes là, devant moi, quand vous m'abandonnez votre main frémissante, que votre haleine brûle mes cheveux, et que vous me permettez de vous contempler non plus comme le plus humble de vos adorateurs, mais comme le préféré. Oh, Stella, c'est à genoux que je veux vous le dire, que je vous le dirai sans cesse. Je vous aime, et jamais homme n'aima comme moi. » Et la lèvre de l'artiste couvrait de baisers brûlants la main que la jeune fille lui abandonnait. Il était à genoux devant elle, et son œil noyé d'une humide ardeur semblait vouloir l'attirer à lui. Elle s'abandonna à cette attraction irrésistible, et bientôt Raphaël ouvrit et referma ses lèvres sur ce front virginal, et du front les lèvres descendirent, et bientôt les deux bouches unies se parlèrent bas. Stella sentait couler dans ses veines une ardeur inconnue. Ignorante d'elle-même, elle recevait les caresses de l'artiste et les lui rendait avec une fougue qui transportait celui-ci dans des régions à lui-même inconnues. Le désir même s'éteignait pour savourer plus longtemps la volupté de ses premiers baisers. Cependant, les heures rapides s'écoulaient. Les ombres du crépuscule couvraient déjà la ville. L'atelier fut bientôt plongé dans les ténèbres. Stella eut peur de cette obscurité, et tremblante, elle s'écria. « Ah, mon Dieu, déjà la nuit, et votre Galatée ? Et que m'importe, Galatée ? » lui dit impétueusement le peintre. « Que m'importe, ma gloire, maintenant ? Vous êtes ici, ma Stella, et l'univers pour moi finit désormais à cette porte. Oh, ne parlez pas ainsi, mon artiste bien-aimé. Votre gloire, c'est la mienne. Vous ne pouvez la négliger sans offenser mon amour. Ne répétez pas ces paroles, Stella. Vous me feriez mourir. Vous offensez, moi. Non, mon Raphaël, vous ne m'offenserez pas, car vous travaillerez, et vos plus belles œuvres sont celles que vous ferez désormais. Avec vous, Stella, je me sens le plus fort des hommes. Dites, que voulez-vous ? Tout ce que vous voudrez, ami. Eh bien, voulez-vous que votre trait divin se reproduise sur cette toile ? Oui, dit la naïve enfant avec une grâce charmante. C'était le premier désir de la Fornarina. Plus prompt que l'éclair, Raphaël dressa le chevalet, prit sa palette, et saisissant la pose que Stella avait gardée sur son siège élevé, il travailla avec une furie sans égale à ce divin portrait de la Fornarina, qui est peut-être sa plus belle page. La nuit descendait toujours, mais rien n'arrêtait Raphaël. Le portrait naissait vivant sous son pinceau inspiré. Encore quelques heures, et son œuvre était finie. Tout à coup, on entendit un bruyant éclat de voix devant la maison qu'habitait le peintre, et la porte retentit sous les coups de ceux qui arrivaient. Pour frapper ainsi, il fallait être ou bien grand seigneur ou bien ami de l'artiste, car nulle maison dans Rome n'était plus respectée que celle de Raphaël. On eut craint de déranger celui qui, par la force de son génie, avait su s'élever un trône à côté de celui de Léon X. C'étaient en effet des amis qui arrivaient. Les disciples du maître ne finissaient jamais leur journée sans venir le saluer dans son atelier du Bourg-Neuf. Ils avaient le droit d'y entrer à toute heure. Ce jour-là, ils arrivaient joyeux, conduits par Jules Romain. Un de leurs grands travaux, une de ces fresques comme on n'en fait plus aujourd'hui, touchait à sa fin. Il n'y manquait plus que la signature du divin Sanzio et ses derniers coups de pinceau qui font le chef-d'œuvre. Raphaël ne s'était pas pressé d'aller ouvrir, et les bruits avaient cessé. On eût dit même que ce silence cachait quelque mystère terrible, si la voix de Jules Romain s'élevant tout à coup. « Eh, mes amis, approchez donc. C'est le signor Gaffarelli, le fornaro de la rue des Marchands de Chapelet. Approchez donc, il semble en prière devant la maison du maître. » À ces mots, Raphaël tressaillit. La fornarina tremblante cachait sa tête dans ses mains. Raphaël s'approcha de la jeune fille qui, en lassant ses bras à son cou, lui dit dans une étreinte convulsive « Je suis à toi, mon Raphaël » et tomba évanoui sur le parquet. Un instant après, l'atelier était envahi par Jules Romain et les disciples favoris du grand peintre.